Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les titres. Le chef de l'État, Ibrahim Sendashimi, a révélé que la BRB est en train de revoir le cadre légal pour donner plus de valeur à la monnaie burundaise. C'était lors de la clôture du forum des jeunes à Gitega-so vendredi. Et la commission Vérité et Réconciliation affirme qu'elle a l'obligation de faire connaître à la population ses réalisations. C'est du moins les propos du vice-président de cette commission. Dans ce journal, le directeur du centre de kinésithérapie nous parlera le rôle de la kinésithérapie périnéale. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean-Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Chancela Mugisha Wimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, la Banque centrale est en train de préparer un nouveau cadre légal pour donner plus de valeur à la monnaie burundaise. C'est ce qu'a dit ce vendredi à Gitega le président de la République à la fin du forum des jeunes. Ibrahim Sendashimi demande plutôt aux Burundais d'augmenter la production. Écoutez-le dans la traduction d'Arthur Kabaouche. Ceux qui ne cessent de dire que le Burundi est pauvre, que l'argent est dévalué, si je n'avais pas choisi le gouverneur de la BRB parmi vous les jeunes, vous ne savez pas où on en serait car il est incorruptible. Mais si c'était un jeu corrompu, il le ferait en se disant qu'il va bientôt mourir. J'apprécie également que vous lui montrez là où ça ne va pas, mais les vieux m'ont demandé de mettre le kilo de riz à 15 000 francs bout et je me suis demandé celui qui a étudié ou qui n'a pas étudié, mais sans réponse. Vous avez vu qu'il a d'abord dressé le cadre légal pour redresser la situation. Je vous garantis que ceux qui disent que le franc bout est dévalué, ça ne sera plus le cas dans peu de jours. Le problème, c'est que quand il y a grogne, les gens ne travaillent plus. Ils pensent que pour revaloriser le franc bout, il faut que j'ordonne de battre 50 conteneurs de billets et les distribuer à la population. Où est-ce que vous allez l'utiliser? La valeur de la monnaie se mesure sur la production du pays. Qu'est-ce que le PIB? Si je produis 100 tonnes de pommes de terre, ce n'est pas la croissance chez moi. Toi, si tu produis 100 poules, ce n'est pas la croissance chez toi. Si chaque Burundais a produit quelque chose, pourriez-vous dire qu'au Burundi, il n'y a pas de croissance? Pour moi, l'argent, c'est un bulletin qui montre la production que tu as. Alors, dis-moi, quand tu produis beaucoup, l'argent n'augmente pas de valeur. Quand vous vendez de l'or et que l'argent retourne dans des valises, il n'y a pas de croissance. Mais il y en a qui croient que, puisqu'ils ont beaucoup de billets dans la poche, ils sont riches. Il y en a d'autres qui volent l'argent du pays. Je vous dis que nous sommes en train de tout remettre en ordre pour revaloriser le franc bout. C'était le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Toujours économie, la Banque de Crédit de Bujumbura, BCB, est prête à appuyer financièrement les équipes participant aux compétitions nationales. Déclaration de Tarsis Lutumo, administrateur directeur général de cette banque, ce samedi, lors des travaux communautaires accompagnés d'une enveloppe de 100 millions de francs burundais dans le cadre de la construction du stade Intwari de Bujumbura. Il ajoute que ces activités s'inscrivent dans la clôture de la célébration du centenaire de cette institution financière. Nous avons décidé de nous associer à tous ceux qui sont en train de contribuer à la construction de cette infrastructure d'honneur pour notre pays dans le cadre de la clôture de nos cérémonies de festivités du centième anniversaire de la BCB. Ainsi, nous avons voulu matérialiser, concrétiser notre identité qui est la suivante, BCB Compagnon Sûr pour progresser, Compagnon Sûr pour les joueurs de football, pour tous les sportifs, Compagnon Sûr à la Fédération de football du Burundi, Compagnon Sûr à la nation burundaise. Commencer un deuxième centenaire, c'est déjà une véritable. Et qu'est-ce que nous apportons? Nous allons consolider cet esprit de solidarité, consolider cet esprit d'appui au développement national et surtout, surtout, ce que nous annonçons de nouveau que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, c'est justement ça. Êtes-vous prêt à appuyer les équipes qui participent à la Ligue nationale? Non seulement nous sommes prêts, mais nous avons déjà commencé. Et nous avons déjà commencé par la signature d'un partenariat de sponsoring d'appui avec une équipe féminine, Fofila, et c'est un partenariat qui va durer 3 années et nous allons continuer, renouveler et s'il le faut, cheminer avec toutes ces équipes pendant le centenaire qui va suivre. Nous sommes toujours prêts à faire le même geste, signer des contrats de partenariat et nous aimerions le faire surtout avec les équipes montantes parce que ce sont surtout ceux-là qui sont oubliés. Mais quand il s'agit des grandes équipes qui vont dans les compétitions internationales ou nationales, qui vont au niveau des 8e, quart de finale et pourquoi pas demi-finale, c'est ce que nous souhaitons, dans la mesure où nous avons toujours dit que nous sommes des compagnons pour progresser. Progresser pour une équipe de football, c'est aller jusqu'à la coupe. Moyennant des contrats de partenariat, nous sommes prêts toujours à appuyer. Les occasions ne manqueront pas, nous sommes là. Tarsis Routoumo, directeur administrateur, directeur général de la BCB, était au micro de Maire Ndouaïo. Culture à présent, finale ce samedi de la compétition Isanganiro Award, 11e édition. Le président de la commission chargée d'organiser cette compétition trouve que la musique burundaise occupe une place de choix dans la promotion de la culture. Eric Ndouaïo invite le gouvernement et les entreprises commerciales à investir dans la promotion de la musique burundaise. Centre Transition Justice Transitionnelle, à présent, la Commission Vérité et Réconciliation CVR se dit satisfaite du pas franchi dans l'exécution de sa mission d'enquêter sur les crimes du passé et la réconciliation entre les Burundais, présentant les travaux déjà réalisés par cette commission aux administratifs de la mairie de Bujumbura ce vendredi. Le vice-président de la CVR a expliqué que cette dernière a les prérogatives de communiquer à la population tout ce dont il a déjà réalisé pour que celle-ci donne sa contribution. Suivez Noé Ninziza, vice-président de la CVR, dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyang. La CVR a fait une descente dans la mairie de Bujumbura en vue juste de rencontrer les gros cadres de l'administration de la mairie pour juste informer, pour aussi essayer d'amener telle ou telle autre personne à considérer le travail que la CVR est en train de réaliser dans ce pays. Notre but ultime, c'était de nous faire comprendre, mais aussi de donner des éclaircissements là où il y aurait encore des flous, sinon oui, des incompréhensions, mais aussi de vouloir essayer de donner l'opportunité à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les positions de leadership, que ce soit dans l'administration ou sous d'autres formes de leadership, de pouvoir aussi observer le passé, de visiter le passé avec nous et de réaliser que dans le passé, il y a des maux qui se sont faits dans ce pays qu'il faudrait éviter pour que l'on puisse préserver aussi l'avenir de ce pays. Parce qu'il y a possibilité que des maux, des failles ici et là puissent se répéter des siècles ou même des années et des années après. Et c'est ce qu'on veut éviter pour que cette génération d'aujourd'hui puisse apprendre du passé, mais pouvoir aussi servir le pays dans le calme et dans la construction de l'harmonie du peuple burundais. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, page santé à présent, la kinésithérapie périnéale est indispensable dans la prévention et le traitement des complications qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Une déclaration de Deo Ndaichimie, directeur du centre et professeur de kinésithérapie ce vendredi soir lors de la célébration de la du premier anniversaire de ce centre. Il précise que plus de 3000 femmes ont été traitées. Nous accueillons beaucoup les femmes enceintes possédant des complications postpartum. Quand on parle de complications postpartum, on parle d'incontinence, soit à l'effort, quand la maman tousse, ou bien quand elle parle fort, ou bien quand elle rigole, quand elle est en train de soulever son bébé. En fait, il y a une fuite, une perte involontaire des urines et aussi des pertes involontaires de fécales. Ce qui nous a poussé à créer le centre, c'est qu'en 2019, dès le début du centre, on n'a pas réussi aucun cas en kinésithérapie prénatale et aussi postnatale. Mais en 2020, on a réussi 62 et en 2021, on a réussi plus de 138 pendant l'année. Et c'est par là qu'on a vu qu'il y a des chiffres qui augmentent, mais aussi des fuites ou bien des mamans qui ne continuent pas à faire les séances de rééducation fonctionnelle, on a décidé de créer le centre Maison Mère Enfant. Sauf qu'on voit que dans une année, parce qu'aujourd'hui c'est la célébration du premier anniversaire, on a déjà reçu 3013 patients depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que quand même le chiffre a augmenté de plus de 1000 fois les patients qu'on recevait avant. C'est-à-dire qu'on doit passer à 130 à 3013 patients par an. C'est-à-dire que quand même, nous voyons qu'il y a un problème de santé publique au niveau national, mais nous insistons que beaucoup plus on continue la sensibilisation pour faire connaître la kinésithérapie de rééducation périnéale, prénatale et postnatale. Et pour boucler cette édition, la province Cibitoke vient de bénéficier de plus de 4 milliards et 6 millions de francs burundais de la part de la Banque mondiale. Ces fonds seront utilisés dans le projet Nguriza dans le domaine de la sécurité alimentaire et le planning familial. C'est au moment où dans cette province, des cas de malnutrition s'observent toujours. Les ménages qui seront sélectionnés bénéficieront d'une assistance en petit bétail et semences sélectionnées. Alexis Ndairagidje. Certaines localités de la province Cibitoke ont arrogé des enfants souffrant de la malnutrition. Cette situation est souvent causée par la pauvreté. Également, certains ménages écoulant toutes les productions dans les marchés sans prévoir des réserves pour leurs familles. Et dans d'autres cas, certains parents possédant beaucoup d'enfants alors qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. C'est dans ce contexte que la Banque mondiale vient d'appuyer le projet Nguriza par une somme de plus de 4 milliards 6 millions destinés à la sécurité alimentaire et au planning familial sur certaines colonies de la province de Cibitoke. Les ménages qui seront sélectionnés par le projet Nguriza bénéficieront du petit bétail, des semences sélectionnées productives pendant une courte durée. À part cela, ces ménages bénéficieront des formations sur le planning familial et le changement de comportement. Leonidas Nimo Monaco, donateur du projet Nguriza dans les provinces de Cibitoke, indique que même ce projet sera réalisé dans 15 mois, les bénéficiaires profiteront de ce projet. Il encourage les femmes à adhérer aux méthodes contraceptives qui seront utilisées tout en tranquillisant qu'elles ne sont pas dangereuses. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mugisha Wimana pour la mise en onde. Entre-temps, je cède le micro à Jean Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. Au revoir.